Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de misère? Pourquoi tant de peine? Nous sommes de passage sur cette planète. Donnons du bonheur, ouvrons grand nos cœurs. Donnons de l'amour à tous ceux qu'on aime. Donnons de l'amour tout autour de nous. Donnons de l'amour, que la vie soit belle. Donnons de l'amour, au nom de l'amour. Pourquoi tant de bon et de vie brisée? Pour moi, trop de honte pour l'humanité. Regardez dans la nuit ce ciel étoilé. Chaque étoile vous dit: laissez-nous vivre en paix. Donnons de l'amour à ceux qui vous aiment. Donnons de l'amour sous un nouveau jour. Donnons de l'amour, que la vie est belle. Donnons de l'amour au nom de l'amour. Donnons de l'amour à tous ceux qu'on aime. Donnons de l'amour tout autour de nous. Donnons de l'amour, que la vie soit belle. Donnons de l'amour au nom de l'amour. Donnons de l'amour à tous ceux. Donnons de l'amour tout autour de nous. Donnons de l'amour, que la vie soit belle. Donnons de l'amour au nom de l'amour. Donnons de l'amour. Au nom de l'amour.